trouve un père. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Régis Geoffrey et je vais vous raconter l'histoire du chat Pomplaire et l'assiette magique. Mon histoire se déroule dans une petite rue perdue au milieu d'une grande ville. Dans cette rue vivait le chat Pomplaire, un chat minuscule qui passait son temps à se plaindre et à manger. Mais il avait beau s'empiffrer, il restait maigre comme un coucou. Pomplaire appartenait à la fillette Joséphine Dragibus. Elle logeait Pomplaire dans la cave, car ses parents étaient allergiques aux félins et enflés comme des ballons dès qu'ils apercevaient le moindre chaton. Pomplaire vivait dans cette cave comme un roitelet. Il reprochait cependant à Joséphine de ne jamais lui apporter assez à manger. « J'ai faim, tu sais, j'ai faim. Pomplaire, tu viens juste de manger. Je ne m'en suis même pas aperçu. » Tu as englouti une boîte entière de tofu et 3 paquets de biscottes. Mon ventre est vide. Je vais mourir de faim comme un pauvre chat. Un mardi, en rentrant de l'école avec son cartable à la main, Joséphine rencontra une sorcière dans la rue. Joséphine, ton chat a tellement crié famine que j'ai décidé de l'aider. Le seul problème de Pomplaire, c'est justement qu'il est un chat. Il vaudrait mieux que ce soit un chien. Les chiens n'ont jamais faim. Ils se contentent d'un sucre de temps en temps. Alors je vais transformer ta bête en chien. Je ne sais pas si Pomplaire sera d'accord. Évidemment qu'il sera d'accord. Les chats rêvent tous de devenir des chiens. C'est comme les poneys. Ils voudraient tous être des chevaux. Quant aux oiseaux, ils ne pensent qu'à devenir des fusées intergalactiques. Les lapins rêvent de devenir des lièvres. Les moutons, des vaches. Les poissons, des baleines, les baleines, des bateaux, les députés, des ministres et les ministres, des présidents. C'est la vie. Arrivée devant l'immeuble de Joséphine, la sorcière se donna un coup de baguette magique au milieu du front afin de rapetisser pour entrer dans l'immeuble sans être vue. Elles descendirent toutes les deux dans la cave. Pomplaire attendait Joséphine en pleurnichant. « Tu m'apportes quoi à manger? Des frites? Des poissons grillés? Une pizza au Nutella? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Je voudrais manger un potiron fourré à la banane, au lait concentré et à la confiture de coquelicot. » Avant que Pomplaire ne la remarque avec ses yeux de chat farfouilleur et qu'il ne l'attrape avec sa patte comme un vulgaire canari, la sorcière se donna un coup de baguette magique sur le bout du nez. Alors, soudain, un éclair multicolore éclaira la cave. Et la sorcière se mit à grandir jusqu'à atteindre la taille d'une porte. Terrorisée, Pomplaire escalada la chaudière et partit se cacher au fond d'une bouche d'aération. Joséphine tenta de le rassurer. « Pomplaire, madame est une gentille sorcière. Les sorcières ne sont jamais gentilles. » La sorcière fit apparaître un pot de crème au chocolat. « Monsieur Pomplaire, veuillez accepter cet humble cadeau. » Pomplaire ne put résister longtemps à la tentation et sortit de sa cachette. « J'accepte votre crème. J'ai tellement faim que j'étais justement en train de me demander si je n'allais pas manger le bout de ma queue et garder le reste pour demain. » Il avala la crème d'une lampée, puis il tapa sur son ventre comme sur un tambour. « Faim, faim, faim, je suis un pauvre chat mort de faim. » « Pomplaire, un peu de tenue. Madame sorcière est ici pour faire de toi quelqu'un. » « Quelqu'un? Parce que tu crois que je ne suis personne? Ne voudrais-tu pas monter dans la hiérarchie animale ?»« Hiérarchie? C'est quoi encore cette arnaque ?» La sorcière se mit à ricaner. « Hiérarchie, c'est la formule magique. Hiérarchie, hiérarchie. » Hiérarchie. La sorcière dessina un carré dans les airs avec sa baguette magique et Pompelaire devint aussitôt un petit parapluie noir comme une nuit sans lune, sans étoiles et sans lampadaires. Tandis que Joséphine devenait une averse de neige qui tombait sur lui en flocons blancs comme du sucre. La sorcière mordit rageusement sa baguette. Quelle catastrophe, quelle catastrophe! Recommençons, recommençons. Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie, cria-t-elle en faisant tournoyer sa baguette comme une hélice. Aussitôt, le parapluie se métamorphosa en pingouin et la neige en jus de tomate. La sorcière s'arracha les cheveux. Mais enfin, hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie. Joséphine réapparut. Et Pompelaire, madame sorcière, il ne va pas rester toute sa vie un pingouin? Hiérarchie, hiérarchie. Pompelaire réapparut avec un morceau de banquise sur la tête. Il s'en débarrassa rageusement d'un coup de patte. En attendant, c'est l'heure du dîner, du déjeuner, du goûter, du souper, et je n'ai rien à me mettre sous la dent. La sorcière intervint. Monsieur Pompelaire, puisque j'ai échoué à faire de vous un labrador, ou même un simple cocker, un cocker, mais je ne veux pas être un cocker, un caniche, un baobab, un troupeau de canards. Pour m'excuser, permettez-moi donc de faire apparaître devant vous un lot de consolation qui va rendre moins grise votre vie de chat maigre et affamé. Hiérarchie ! Hiérarchie ! Apparut une assiette grande comme une roue de vélo. Elle était remplie de hamburgers, de frites, de gâteaux à la framboise, au carambar, à la noix de coco. Pompelaire sauta sur la pitance et vida l'assiette en 18 coups dedans. Quand il n'eut plus rien à grignoter, il recommença ses jérémiades. « J'ai faim, sorcière, j'ai faim. Regarde, chat bête, chat nigaud, chat idiot. » Pompelaire vit alors la nourriture repoussée dans l'assiette comme de l'herbe magique. Au bout de quelques secondes, l'assiette déborda de spaghettis, de yaourt aux myrtilles, de biscuits aux noisettes et de fraises tagada. Pompelaire ouvrit des yeux grands comme des flancs aux pruneaux et se jeta de rechef sur la pitance. « Quant à toi, Joséphine, regarde. Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie. » Et alors tomba du plafond une petite flûte en or. « Prends-la donc. » Joséphine s'en empara. « Souffle donc. » Joséphine souffla et aussitôt son cartable se mit à gonfler. C'est une flûte à gonfler les notes. À chaque fois que tu souffleras dedans, les 0 deviendront des 20, les 8 des 18 et les 9 des 19. Joséphine ouvrit son cartable. À l'intérieur, il y avait des notes si énormes qu'elle ne put le refermer. La sorcière prit congé. Adieu les amis. La sorcière se métamorphosa alors en un drone minuscule comme un moineau et s'envola par un soupirail qui donnait sur la rue. Depuis, Pompelaire mange jour et nuit sans même prendre le temps de peigner ses moustaches. Quant à Joséphine, elle a été sacrée l'an dernier meilleure élève de France, de Navarre, de Belgique, d'Afrique et du Canada. En guise de récompense, ses parents lui ont offert une trottinette volante pour faire la course dans le ciel avec les oies sauvages, les condors, les albatros, les nuages et les aigles. Voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit.